Berlin, c'est avant tout une ville qui ne ressemble à aucune autre. Après 1919, Berlin, capitale des sexualités. Au point de vue cinématographe, comme on disait encore un peu à l'époque, l'Allemagne était très organisée. Et rien ne correspondait moins au rêve, si vous voulez, à la vie rêvée, à l'aventure, que l'industrie cinématographique allemande. La plupart des employés pointaient dès 1930. On entrait dans des studios industriellement et scientifiquement organisés. On avait des cantines, des loges, des heures de travail. Nous tournions d'abord dans 3 versions et ensuite dans 2. Mais le cinéma n'occupait qu'une partie de ma vie, car nous rentrions l'équipe de France, comme on l'appelait, vers 6 ou 7 heures du soir dans nos hôtels respectifs. Et alors commençait pour chacun de nous une vie libre, toute particulière. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le scénariste et romancier André Beuclair, qui était à Berlin dans les années 20, qu'étaient les soirées, puis les nuits de Berlin à cette époque. On va essayer de le reconstituer en compagnie de Florence Tamagne. Bonjour. Bonjour. Alors Florence Tamagne, maintenant, se livre à des activités coupables. Colloques sur le punk, heavy metal, séminaires d'histoire, du rock. Mais ça fait longtemps que les contre-cultures, les subcultures vous intéressent. Tout à fait, Jean Lebrun. Donc là, nous n'allons pas parler rock'n'roll, je pense. Non, mais de l'histoire des homosexualités telle que vous l'avez pratiquée en pionnière. Vous avez publié un livre au début de ce millénaire sur Berlin, Londres, Paris, Triangle d'or des homosexualité. Mégalopolis, c'est le surnom qu'on donne à Berlin. Berlin qui s'est uni après 1919, la ville, 7 autres villes, 40 communes rurales, 4 millions d'habitants, un bourgmestre qui s'appelle Ross et qui doit faire face à la fois à l'unification de la métropole et après la fin de la révolution spartakiste, assassinée dans les conditions dont on se souvient peut-être, à une inflation exponentielle qui ne prendra fin qu'en 1923. Et néanmoins, on danse à Berlin. Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Sie hören das Fred Bird Tanzorchester, Refraingesang, Luigi Bernauer. Et on danse, Florence Tamagne, sur un volcan, on danse avec la mort. Et oui, c'est la dansomanie des années folles, mais c'est une danse à contraste. Il y a la passion pour le jazz, il y a les cabarets avec les girls, il y a des paillettes, il y a des lumières à Berlin, mais c'est aussi la ville du chômage, d'une très importante pauvreté. Les conséquences de l'inflation que vous avez évoquées, qui dure jusqu'en 1923, se font longtemps sentir. Il y a une image, il y a un peintre hongrois, Mauro Nagy, il peint avec des billets de banque parce qu'il n'a pas de quoi se payer des tubes et de la toile. Et oui, on va chercher son pain avec des brouettes remplies de billets qui ne valent strictement rien. Ça veut dire un chômage énorme, ça veut dire une montée de la criminalité, une montée de la prostitution qui va toutes ces femmes qui vont être peintes par Christian Schade, par Otto Dix. C'est aussi les lendemains de la défaite, il faut le rappeler. Les rues avec ces anciens combattants mutilés qui font la quête. Donc on a vraiment ce contraste entre une bourgeoisie qui reste prospère ou des nouveaux riches particulièrement détestés qu'on voit dans ces cabarets qui boivent de la bière, qui peuvent payer et tout un lumpen prolétariat qui tente de survivre. Et puis la volonté chez tous, puisqu'il y a déjà eu une catastrophe, voire deux, de profiter du temps et de ce qui est encore gratuit avant la prochaine. avant la prochaine, surtout que l'atmosphère à Berlin, c'est une atmosphère de tension. Il y a encore un putsch, le putsch de Kapp en 1920. Il y a des assassinats politiques. Walter Rathenau qui est assassiné par les corps francs en 1922. Et les affrontements dans les quartiers ouvriers entre les adeptes du parti nazi et les communistes, ils sont quasiment quotidiens. Le maire, lui, il est soutenu par le SPD. Tout à fait. C'est un maire démocrate qui voit la ville se transformer. Il y a l'ouverture de l'aéroport Tempelhof qui se fait dans ces années-là. Il tente de mettre en place aussi un soutien aux chômeurs. Voilà, une ville de contraste, le Moloch berlinois qui engloutit aussi ceux qui s'y retrouvent. Puisque vous utilisez de grandes images, la Babel pécheresse tout à fait inspire de nombreux visiteurs. Julien Green, dans le journal intégral, je le rappelle, vient de paraître. Il y a moins de choses sur Berlin qu'on ne pouvait en espérer. Et Stefan Sender. Vous êtes allé à cette époque-là dans des cabarets ? Oh, oui, bien sûr, les cabarets, on chantait beaucoup. C'était une ville heureuse et toute prête à chanter. Légère. Légère, oui, légère, c'est bien peu dire. Très légère, très légère. C'est pour ça que les Parisiens y allaient très nombreux. Vous étiez donc à Berlin, et quelle était l'atmosphère de Berlin à cette époque ? Louche, je crois. C'était des bas, de décadence, de la politique, des démonstrations de violence. Mais je veux pas dire, Florence Tamagne, voici deux témoignages d'homosexuels. Tout à fait. Parmi les visiteurs, beaucoup d'homosexuels. Beaucoup d'homosexuels. Berlin, depuis la fin du 19e siècle, avait acquis une réputation, en effet, de tolérance envers les homosexuels, avec beaucoup d'établissements gays et lesbiens également. Mais dans l'entre-deux-guerres, ça va être vraiment un apogée. Et on a de multiples visiteurs français, anglais, André Gide, René Crevel, côté français. Il y a un très malicieux livre de José Cabanis qui s'appelle Le Diable, la NRF, qui raconte la venue des écrivains de la très sérieuse NRF à Berlin. Et il a cette formule « Rien ne vaut une frontière derrière soi ». Et oui, on est dans l'anonymat, bien sûr. Il est beaucoup plus facile de fréquenter des lieux louches que dans la capitale. Et surtout, il y a vraiment toutes sortes d'établissements, des plus huppés pour les touristes aisés et les plus encanaillés dans les quartiers ouvriers. Mais plutôt que de vous faire faire le catalogue, peut-être tout à l'heure le ferai-je, des établissements avec des étoiles, j'aimerais que vous nous racontiez pourquoi la question homosexuelle est traitée depuis longtemps, bien avant la guerre de 14 en Allemagne, et comment, pour aborder le sujet, s'est imposé un nom, celui de Magnus Hirschfeld. Oui, tout à fait. C'est vraiment un paradoxe, puisque l'Allemagne pénalise l'homosexualité masculine. Dans le code pénal allemand, c'est le paragraphe 175 qui prévoit des peines de prison pour les actes homosexuels entre hommes. Et c'est donc en Allemagne que se crée en 1897 le premier mouvement homosexuel 97. Militant. 1897, donc on est bien loin de la libération homosexuelle des années 1970. Et Magnus Hirschfeld, c'est un médecin, un sexologue, c'est aussi un homosexuel. Et ce mouvement qu'il va fonder, ça va être à la fois un mouvement qui vise à obtenir la dépénalisation de l'homosexualité masculine, mais c'est aussi un mouvement qui vise à unifier une communauté homosexuelle qui ne peut pas encore porter ce nom, qui est très dispersée, très divisée, leur faire prendre conscience de leurs droits. Et c'est également un mouvement qui va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying auprès des partis politiques avec un certain succès, les partis démocrates, le SPD, le KPD, ensuite le Parti communiste. Voilà. En 1919, il ouvre un institut de sexologie qui est l'objet des visites de beaucoup des étrangers. Christopher Isherwood, Woods, un écrivain de langue anglaise qui va passer beaucoup d'années à Berlin. André Gide, qui visite l'Institut avec lui. Alors Gide est un peu interloqué par les classifications, les catégories qu'Hirschfeld crée sur l'échelle, la longue échelle de l'homosexualité. Tout à fait. Magnus Hirschfeld a une hypothèse, c'est qu'il existe des intermédiaires sexuels. Donc, ça engloberait aussi bien l'homosexualité, la bisexualité, que ce que l'on appellerait aujourd'hui le transgenre ou la transidentité. Mais il possède une bibliothèque, une collection qui, à ce moment-là, est unique au monde. Il y a également des consultations pour des personnes qui souhaitent voir des médecins. Il y a les premières opérations de réattribution sexuelle pour les personnes transgenres se dérouleront dans son institut. Alors, devenu personnage de légende pour les militants gays postérieurs, le voici tel qu'il est représenté dans un film de Rosa von Proheim. J'ai pas besoin de vous dire que Rosa von Proheim, c'est évidemment un monsieur. Enfin, au moins, à l'origine. Les années 20 furent pour moi des années de joie et de succès. Je publiais des livres, initiais des congrès internationaux et essayais de rendre public tous les aspects de la sexualité. Mon institut devint mondialement connu et le centre de sexologie respecté. Au centre des travaux des médecins, il y avait la consultation sexuelle individuelle. Ce vaste programme incluait des conseillers en orientation sexuelle, le traitement de maladies vénériennes et de l'impuissance, l'établissement de la paternité et la remise de certificats d'aptitude au mariage. À l'institut se trouvait le premier bureau médical de conseil en mariage. Je découvris que, malheureusement, la plupart des gens choisissent leur partenaire avec moins d'attention que leur automobile. Ça, c'est l'image postérieure de Hirschfeld. Un roman vient de paraître, Jour de courage, Brigitte Giraud. Elle raconte qu'un jeune adolescent qui s'appelle Livio, cet âge d'entre deux, 17 ans, se voit confier un exposé à faire par sa professeure d'histoire, et choisit comme sujet Hirschfeld. Qu'est-ce que vous avez oublié de dire dans l'exposé ? D'abord, comme ça a été rappelé un peu dans l'extrait, Hirschfeld, c'est une personnalité mondialement connue. Il voyage à travers le monde, il fait la une des journaux, même en France. Ses théories sur le troisième sexe sont alors très largement discutées. Il joue véritablement un rôle majeur dans la prise de conscience d'une identité homosexuel. Mais vous avez oublié de dire qu'il est juif, parce que ça compte. Il est juif et il est l'objet d'attaques répétées chaque fois qu'il prend la parole en Allemagne, en Autriche. Il est victime même d'un attentat en 1929. Donc c'est une personnalité qui symbolise tout ce que les conservateurs, ultra-conservateurs détestent de Weimar. Alors il publie beaucoup de livres, il a des publications, il y a d'ailleurs quantité de publications gays, comme on dirait aujourd'hui, lesbiennes, avec des petites annonces. On reçoit ça sous tout plis cacheté. Oui, abonné. Oui, oui. Et les petites annonces, c'est quoi ? C'est des emplois ou c'est des petites annonces de rencontres ? C'est des petites annonces de rencontres, mais ça peut être dissimulé, en effet, sous des offres d'emploi. Vous avez Die Freundin, l'ami, Die Freundschaft, l'amitié. Il y a des journaux pour les travestis et on ne les reçoit pas que sous plis fermés. Ils se vendent dans les kiosques comme têtus aujourd'hui et on n'imagine pas, en effet, la visibilité, en fait, de cette culture homosexuelle à l'époque. Vous avez les premiers films portant sur cette thématique. Vous avez Anders als die Andern, différent des autres, en 1919, qui est le premier film évoquant ouvertement la question de l'homosexualité. C'est-à-dire, c'est un violoniste voilà, qui est dissimulé. Tout à fait, qu'un prostitué va faire chanter, qui va se suicider, et c'était justement l'une des grandes thématiques de l'époque, c'est-à-dire que la législation, on ne risquait pas simplement des peines de prison, mais c'était le déshonneur, c'était le chantage. Et Hirschfeld apparaît à la fin du film plein écran pour dire aux spectateurs voilà la réalité de la vie des personnes homosexuelles aujourd'hui en Allemagne. Mais même sans le risque de prison, il peut être des rencontres dangereuses. Souvenez-vous du professeur dans L'Ange Bleu. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht sieht, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dans notre série sur Berlin, le moment des années 20, du début des années 30, Berlin, capitale des sexualités. C'est pas tout ça, Florence Tamagne. C'est bien la réflexion de fond que vous menez, mais imaginez les conciliabules entre Jacques de la Crotelle, Schlumberger, Roger Martin Dugard, André Gide. T'as pas des adresses? Alors, les adresses. Alors les adresses, on peut les trouver d'abord parce qu'il y a un certain nombre de guides, des guides du Berlin érotique, des guides du Berlin la nuit, que l'on peut alors se procurer. Christian Schad, le peintre de la nouvelle objectivité, en illustre certains. Mais bien évidemment, les meilleures adresses, elles se passent du bouche à oreille. Alors ce que l'on va trouver dans le Berlin érotique connu, c'est l'Eldorado. C'est le principal cabaret travesti qui est fréquenté notamment par Marlène Dietrich. Que l'on vient d'entendre. Donc là, ce sont des cabarets flamboyants avec des spectacles. Mais vous avez aussi les petits locaux de quartier qui sont fréquentés par des garçons ouvriers dont certains se révèlent assez accommodants si on leur paye un bon repas ou quelques cadeaux. Les modèles dominants pour les homosexuels de l'époque, c'est pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Alors c'est peut-être le marin. Je parce qu'il y en avait beaucoup à Berlin. Ça peut être l'écolier en uniforme, pas nécessairement à l'âge de l'école. Pas à l'âge de l'école, mais le jeune homme vigoureux est souvent prolo. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de bals travestis à Berlin, donc ces écoliers en uniforme, ces marins, on peut les trouver, même s'ils sont bien éloignés du cliché de départ. Par contre, oui, il y a une recherche, surtout de la part de ces intellectuels, de ces bourgeois qui sont prisonniers, pour certains, d'une éducation très puritaine, très conventionnelle. Il y a cette volonté de trouver un compagnon viril. C'est-à-dire que quand on dit que l'homosexualité, c'est la recherche du même, dans ce cas précis, c'est la recherche de l'opposé. Oui, mais il y a évidemment toutes les cas de figure, c'est-à-dire que là, on ne pourrait pas résumer ça simplement à cet exemple. Mais néanmoins, oui, le garçon ouvrier devient une espèce de fantasme pour Stephen Spender et pour bien d'autres. Et il faut penser à un autre aspect de Berlin. C'est Berlin l'été, c'est Berlin avec les plages du Wannsee, c'est le Berlin naturiste. Et là, on est totalement libéré des tabous, des conventions, libération des corps et des rencontres évidemment très facilitées. Parce que Berlin, parlant d'urbanisme, une fois de temps en temps, c'est l'espace. C'est-à-dire que la ville est beaucoup moins dense que Paris. Oui, c'est deux fois Paris. Et en plus, avec des contrastes très importants entre le Kurfürstendamm et ses cafés à la mode, les quartiers ouvriers Kreuzberg et, en effet, les espaces verts, le Tiergarten où l'on drague la nuit, bien sûr. Babel, pécheresse. Berlin, Babylone, c'est le titre d'une série allemande qui passe depuis 2018 sur Canal+, et dont les héros récurrents sont les membres d'un groupe de policiers qui se retrouvent devant toutes les facettes du Berlin de l'époque de la République de Weimar. Voilà Tipa qui tombe dans un studio clandestin où on interprète d'une manière un peu particulière une vie de Jésus. Ensuite, l'archange Gabriel. Bon, s'il vous plaît. Marie, tends-toi un peu. Je vois rien du tout, là. Encore un peu, regarde par ici. Frida, tu es en train de concevoir le Fils de Dieu et je ne vois rien de tout ça. Mais y a un peu du tien. Paul, va plus vite. Et tourne-toi vers nous, je vois rien du tout. Brigade des mœurs, habillez-vous. Fin du spectacle. Descendez là. Bien, mesdames et messieurs, que tout le monde se mette en ligne, on ramasse ses parties génitales et on obéit en silence. Allons bon, alors tout à l'heure on avait déjà Hirschfeld plein cadre dans un film d'amour homosexuel, et là c'est un film porno sans la vie de Jésus. Oui, alors ça, je ne sais pas s'il a véritablement été tourné. Mais qu'est-ce qui reste de ces films ? Qu'est-ce qui reste de ces films ? Il y en a quelques-uns. Il y avait un film justement tourné par le même réalisateur que différents des autres sur la prostitution. Certains pouvaient être diffusés sous couvert d'éducation sexuelle. Donc ça permettait de contourner les lois sur la censure et toute la campagne qui était menée contre la pornographie et la boue. C'était l'expression dont on a un bon exemple. On a des chiffres, des statistiques sur la prostitution masculine maintenant ? Sur la prostitution masculine, il y a une enquête qui avait été menée à l'époque et qui évaluait jusqu'à 22 000 le nombre de prostituées masculins à Berlin. C'est-à-dire enfin, pas des professionnels. Pas des professionnels. Les professionnels auraient, bien sûr, tout cela n'est pas confirmé, tourné autour de 600 et 22 000 avec tous les occasionnels, c'est-à-dire justement ces jeunes gens poussés par le chômage, par la misère, à la prostitution. Bon, heureusement que la police intervient. Alors la police, justement, elle tolère, dites-vous, tout en fichant. Oui, elle tolère les lieux de rencontre, elle tolère les manifestations publiques. Ceux qui tombent sous le coup de la loi, ce sont justement les pratiques sexuelles. Pratiques sexuelles qui relèvent la plupart du temps de l'intime, de la sphère privée, donc il est très difficile de prouver. Donc ça laisse une marge de manœuvre. Et on sait qu'à Berlin, davantage que dans d'autres villes, justement comme Munich par exemple, la police est relativement tolérante à partir du moment où il n'y a pas de flagrant outrage public à la pudeur, de scandale. Mais malgré ces activités incessantes, l'association de Hirschfeld n'arrive pas à faire abolir le paragraphe 175 que vous évoquiez et qui criminalise les relations entre hommes, même si en 1929, ça a failli peut-être se faire. Oui, oui, il y a eu plusieurs projets de loi. Celui de 1929 est passé en première session, grâce au soutien justement des communistes, des socialistes et des démocrates. Mais 1929, c'est la grande crise économique. Et très vite, il y a évidemment d'autres priorités qui paraissent beaucoup plus importantes que la question homosexuelle. McCorland, 1932, les rues sont pavoisées, mais de banderoles annonçant des liquidations et des ventes aux enchères. Les voitures de maître ont disparu. Les taxis roulent à tour de rôle et la tournée des Grands-Ducs, pour reprendre une expression parisienne, touche à sa fin. Voici un document de Christopher Isherwood, qui est un écrivain témoin de cette époque. Il est avec son ami le plus proche un soir, un des derniers soirs. Hier soir, Fritz Wendel me proposa une tournée des boîtes. Cela devait correspondre à des visites d'adieu, car la police commence à manifester un vif intérêt pour ces établissements, en y faisant des descentes et en prenant par écrit le nom des clients. On parle même d'un nettoyage général dans Berlin. Fritz ne fut guère enchanté de mon insistance pour visiter le Salomé, que je ne connaissais pas. À la sortie, nous avons croisé une bande de jeunes, complètement sous, qui ne se décidaient pas à entrer. Leur chef de file était un jeune homme, petit et trapu, avec un pince-nez et une mâchoire agressive. « Dites donc, » fit-il, s'adressant à Fritz, « qu'est-ce qu'il y a à voir ici ?»« Des hommes habillés en femmes, » ricana Fritz. « Des hommes habillés en femmes ? En femmes ? Vous voulez dire que ce sont des cinglés ? Peut-être. Peut-être sommes-nous tous des cinglés ?» chantonna Fritz, avec un accent solennel et lugubre. Dès 1930, les nazis avaient obtenu un excellent résultat, toute proportion gardée, à Berlin, aux élections législatives. Hirschfeld, les autres mouvements homosexuels, parce qu'il y en avait d'autres, ils espéraient quelque chose du nazisme. Enfin, ils pouvaient penser que le nazisme ne jugerait pas cette question fondamentale et accepterait. En fait, il y a une très grande ambiguïté dans les années 20 et surtout au début des années 30 autour du positionnement du parti nazi sur la question de l'homosexualité. Et c'est dû notamment au fait que l'une de ses figures les plus célèbres de l'époque, Ernst Röhm, qui est le leader de la SA, est lui-même un homosexuel notoire, qui non seulement ne se cache pas, mais fait partie d'un de ces mouvements homosexuels militants. Et le danger, finalement, le paradoxe, va être que pour lutter contre le national-socialisme, les socialistes, mais les communistes aussi vont les attaquer sur la question des mœurs et sur la question de l'homosexualité. La dégénérescence fasciste. L'homosexualité, une perversion fasciste. Ça va devenir l'un des slogans des communistes et qui va aller en s'accentuant à partir de 1934, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et avec la nuit des longs couteaux, pendant laquelle les éléments SS, notamment ceux favorables à Himmler, qui détestent l'homosexualité, règlent leur compte au leader SA, qui, d'après le film de Visconti, dont on va entendre dans un instant un extrait, se livrait à la débauche pendant que les autres s'apprêtaient à les massacrer. Les SA nous ont servi jusqu'à hier à conquérir l'Allemagne. Pour la conquête du monde, il faut l'armée. Mais l'armée refuse la participation SA. Les généraux se sont montrés explicites, ce sera nous ou eux. Est-ce que vous pensez que le chancelier va se brouiller avec nos illustres stratèges ? Et vous, est-ce que vous croyez qu'Hitler reléguera son vieux camarade Röhm sur une voie de garage ? Non, jamais un homme tel que Röhm. C'est trop peu, cela laisse subsister un gros risque. Il y a des choses qu'on ne fait pas à moitié. J'ai donné l'ordre de fusiller les principaux responsables de cette trahison. Et j'ai encore donné l'ordre de crever l'abcès de l'empoisonnement de notre peuple et de celui de l'étranger, et d'en extraire la chair vive. Ceux qui se souviennent du film Les Damnés retrouvent les images qui correspondent à cette beuverie. Nous sommes au mois de juin 1934, à l'époque du naturisme triomphant, comme vous le disiez. À l'étranger aussi, les antifascistes vont dire, voyez... Oui, c'est le drame, c'est-à-dire que finalement le nazisme est présenté aussi comme une perversion sexuelle, et le film de Visconti n'en est que le lointain écho. Et il faut rappeler néanmoins que dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, dès 1933, tous les clubs, tous les bars sont fermés, les mouvements homosexuels sont interdits, l'Institut d'Hirschfeld est pillé et mis à sac en mai 1933. Donc on n'attend pas 1934 pour se rendre compte que le nazisme est fondamentalement hostile à l'homosexualité, et le renforcement de la répression va ensuite être très visible en 1935, quand le paragraphe 175 deviendra beaucoup plus sévère. Julien Green a bien fait de ne pas mettre son journal dans les rayons de l'Institut de sexologie comme il l'avait imaginé. Et on voit, quand on lit son compte-rendu de ses activités quotidiennes, on le voit recevoir beaucoup d'exilés homosexuels allemands. Tout à fait. Qui sont à Paris. Voilà. Sous Weimar, c'était les Français qui allaient à Berlin, et à partir de 1933, on va accueillir en France, par exemple, Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, et beaucoup d'autres hommes et femmes homosexuels à Paris. Je renvoie à votre livre, L'histoire de l'homosexualité, et puis aussi à un autre plus récent, consacré au meurtre du directeur du Palace, le Palace de l'époque, Oscar Dufresne, qui était de mœurs contestables, disaient ceux qui ont observé ce grand fait divers, Fabrice Rouel, des années 1930. Alors, avant que vous nous donniez votre sujet, vous me laissez... Bonjour. Bonjour. Vous me laissez faire le générique. Maxime Ingrand à la technique, Étienne Bertin à la réalisation, la préparation, Ninka Egudesco, Aurore Juvenel, Frédéric Martin, Franck Olivard.